Chapitre 13. Lui ou moi, choisissez. Quelques jours seulement après cette suprême et décisive rencontre de Geneviève Goalen et de Denis Le Marec, comme c'était le dimanche qui précédait la cérémonie de la croix de mission, il se passa en Camaret un fait absolument inaccoutumé, un fait qui mit soudain toutes les langues des commères en branle pour de longues heures. L'approche de cette fête religieuse, dont on ne cessait de parler et qu'on préparait depuis des mois, avait remué tout le pays d'un grand bouillonnement de ferveur, étendant cette agitation non seulement jusqu'aux villages les plus éloignés de Camaret, mais même à ceux qui n'en dépendaient pas. Chacun comprenait qu'il devait participer à l'éclat de la cérémonie dans la mesure de ses moyens, et que nul ne pouvait s'en désintéresser, pour peu qu'il eût à cœur la dignité, le renom, l'honneur du petit port breton. Le clergé, dans toutes les paroisses, profita de ces excellentes dispositions pour chauffer encore davantage cet élan de piété et soutenir le zèle des fidèles. L'abbé Pierre Kerbiriou, la messe terminée, monta en chaire pour adresser à ce sujet quelques paroles à ses paroissiens. Ceux-ci, rien qu'à voir sa physionomie, le froncement particulier de ses épais sourcils, la flamme aiguë de son regard, devinèrent qu'il allait leur faire quelque communication importante. « Oh, oh !» souffla Balanec à l'oreille de son voisin. « Sa mine des grands jours qu'il a aujourd'hui, monsieur le recteur, comme cette fois, dont tout un chacun se souvient ici, où il a fait son fameux serment sur l'observance du dimanche. « Oui, » fit l'autre, quand il a raconté que, du temps de la Grande Révolution, la municipalité de Camaret, moins tolérante que l'Église, faisait observer le repos du décadi en l'honneur de l'être suprême, censément notre dimanche, quoi, à coups de canon. Je me rappelle, ma foi. Paraît qu'il y avait un canon du fort de Vauban tout chargé, commandant l'entrée du port et prêt à couler bas toute barque qui serait sortie pour aller pêcher ce jour-là. » Le mareyeur ajouta, même qu'il nous a lu en chaire le papier qu'il avait retrouvé à ce sujet dans les archives, un papier signé de noms de camarétois du temps qui étaient des grands-parents à des camarétois de ce jour, et que, ne voulant pas lire les signatures pour ne faire de tort à personne, il offrait aux intéressés et aux incrédules de venir voir la pièce chez lui. M'est avis qu'il a sa figure de ce dimanche-là. Après avoir annoncé la date à laquelle on planterait en grande pompe dans le cimetière la croix de mission qui devait remplacer l'ancienne croix, il commença, avec sa verdeur habituelle, sa grande liberté de parole, sa familiarité paternelle et bougonne, à morigéner les camarétois. Il leur reprocha leur peu d'ardeur pour la religion, leur coupable indifférence qui faisait que beaucoup d'entre eux, depuis leur première communion, depuis leur mariage, avaient cessé de pratiquer leurs devoirs religieux et n'approchait plus du tribunal de la pénitence. Il les adjura de rompre avec cette irréligion blâmable et de s'engager à venir tous se confesser et communier en l'honneur de ce jour glorieux qui allait briller sur leur pays. Ce serait pour eux l'occasion inespérée de rentrer dans le giron de l'Église, dont ils n'auraient jamais dû sortir, de cette Église qui ne demandait qu'à les accueillir avec son indulgence habituelle. Dans l'entraînement de la parole, ne trouvant plus assez de reproches topiques à leur adresser, il eut cette apostrophe inattendue. « Vous ne venez plus au confessionnal, où vous êtes sûr de trouver tous les secours, toutes les grâces. Et vous n'hésitez pas, dès que vous vous trouvez en peine, à vous rendre là-bas, chez l'homme du Cap de la Chèvre, au risque de perdre votre âme. Vous préférez les conseils du Reboutou à ceux de votre recteur. » Ce fut quelques minutes dans l'église un silence de stupeur. Puis, comme le curé venait de terminer, en disant qu'il comptait sur leur bon cœur, sur leur sagesse, il se fit un bruit confus et grossissant de paroles murmurées à voix basse. Quelques femmes, penchées les unes vers les autres, échangeaient leurs impressions avec une certaine stupéfaction gênée. Qu'a-t-il donc aujourd'hui, monsieur le recteur, qu'il se montre si sévère? Que peut lui avoir fait le Reboutou pour qu'il nous en parle ainsi en chaire? et d'autres graves propos qui montraient le trouble que cette insinuation venait de jeter dans beaucoup d'esprits. Quant à Pierre Kerbiriou, il ne se doutait nullement de la nature, toute spéciale, de l'émotion qu'il avait si brusquement soulevée. En prenant le reboutou pour un des arguments de la fin de son sermon, il n'avait voulu viser aucun cas particulier et n'avait eu d'autre but que de fixer dans tous les souvenirs, d'une manière plus positive, presque imagée, le grand reproche qu'il ne cessait de faire à la race bretonne, cette race dont il connaissait d'autant mieux les faiblesses qu'il lui appartenait. Ce qui le révoltait, en effet, c'était l'indéracinable superstition de certains de ses paroissiens qui, venant peu à la messe, à part les anciens et les paysans de la campagne, des hameaux de l'intérieur, s'obstinaient à des croyances enfantines, à des pratiques presque païennes, et qui semblaient faire moins cas de Dieu ou de leur religion que de quelques vieilles légendes ancrées au plus profond de leur dure cervelle armoricaine. Quand il songeait à cela et qu'il constatait son impuissance à combattre ces restes des faux dieux, dans ses veines bouillonnait une colère d'inquisiteur si violente qu'elle avait besoin de se soulager, de trouver un exutoire. C'est alors qu'il s'en prenait au reboutou, comme si cet humble en eût été personnellement la cause, qu'il en fût la raison au lieu d'être en réalité les faits, qu'il eût ouvertement encouragé, favorisé, étendu la superstition et battu, en quelque sorte, l'Église en brèche. Ce Goalaine, cependant, c'est à peine s'il le connaissait, n'ayant fait que le voir et ne lui ayant jamais adressé la parole. Il lui était arrivé à deux ou trois reprises de le rencontrer, soit au chevet d'un malade, soit devant la porte d'un mourant auprès duquel il venait, lui, prêtre, accomplir son saint ministère, et il en avait chaque fois ressenti une sensation bizarre, comme s'il se fût tout à coup trouvé en présence matérielle de l'ennemi, de l'esprit du mal, personnifié en ce berger sec, osseux, un petit rire, imperceptible pour les autres, pour les non-clairvoyants, toujours figé dans les plis du visage, au coin de l'œil et de la bouche. En chacune de ces occasions, une rougeur violente avait empourpré sa figure, flot de sang venu vivement du cœur, et il en avait éprouvé l'âcre et mordant besoin d'anathématiser celui qu'il considérait comme un danger public. Il était entré chaque fois dans la masure avec l'intention de dire au malade ou même au mourant « Lui ou moi, choisissez !» La phrase grondait au fond de sa gorge comme s'il eût donné le choix entre le ciel ou l'enfer. Mais aussitôt son bon cœur avait repris le dessus. Une soif de lutte, de combat, lançait l'apôtre à la défense, à la conquête de l'âme qu'il supposait attaquée, faiblissante, déjà prise peut-être, et qu'il importait de sauver. L'autre, en ces rares circonstances, s'était esquivé, ne cherchant jamais à braver l'abbé, atténuant même devant lui ce petit rire d'ironie qui était comme une critique timide, une protestation légère, humble et soumise, devant l'inutile allure batailleuse et exterminatrice du prêtre. Il semblait s'excuser de sa présence, de son audace, avoir comme une sorte de honte du bien qu'il venait de faire, du soulagement qu'il avait pu apporter, prouvant muettement par son attitude qu'on l'avait demandé, qu'il ne s'était pas imposé. Alors, intérieurement, l'abbé bougonnait, ne parvenant pas à trouver en lui l'esprit d'orgueil qui, selon ce qu'on lui avait enseigné, devait caractériser le sorcier, stigmatiser le serviteur de celui d'en bas. Mais cela lui avait servi à constater combien on allait de préférence pour toute espèce de chose au reboutou, qui arrivait ainsi à faire une sérieuse concurrence à l'Église, comme il la faisait à la médecine, étant le guérisseur des maux et en même temps aussi une sorte de consolateur des âmes, par ses légendes, par ses récits du vieux temps, toute une philosophie simple puisée dans la longue et constante contemplation de la nature. C'était donc un puissant et dangereux concurrent, et il devait le traiter en ennemi, l'écraser sans pitié chaque fois qu'il en trouverait l'occasion. C'est pourquoi il n'avait eu aucun scrupule, aucune hésitation, quand il lui avait fallu souligner, d'un trait significatif et facile à comprendre pour tous, le sermon fait en faveur du rappel à la piété, en faveur de l'éclat général à donner à la cérémonie prochaine de la croix de mission. Ce qu'il n'avait pu deviner aussi, ce qu'il ne pouvait prévoir, c'était l'étrange coïncidence qui lui faisait choisir comme antagoniste le Rebutu au moment même où la lutte entre lui et Nédélec Gualen allait prendre un caractère tout différent et passer de l'ordre général à l'ordre particulier et de l'intérêt commun à l'intérêt personnel. C'était lorsque Denis le Marec, son neveu, se déclarait contre lui et se liait avec son adversaire en demandant à se réprouver à cette sorte d'excommunié auquel on fermait les églises de la presqu'île, de devenir son gendre, de lui donner Geneviève pour femme. Si quelques-uns furent attristés, gênés par cette attaque inattendue du recteur contre celui qui, en tant de circonstances, leur avait rendu des services qu'ils se refusaient à oublier, d'autres, au contraire, s'en montrèrent satisfaits. Au sortir de l'église, sous le porche même, entre les deux arbres qui ombragent la grille donnant sur la place, on put entendre Balanec déclarer « Il a fait œuvre de saint homme, notre recteur, au jour d'aujourd'hui. » Dans le fond de son cœur, le mareyeur conservait une vague rancune contre cette fille du Rebutu qui avait su attirer sur elle les regards, les soins, l'attention de Denis le Marec. Il y avait vu une atteinte à ses droits, à ceux de sa fille, et une certaine méfiance lui restait contre tout ce qui pouvait venir de ce côté, comme s'il se fût douté de la vérité. Il commençait à trouver, en effet, que le jeune homme était bien long à se déclarer, qu'il ne venait plus chez lui aussi fréquemment que durant les premières semaines. Et sans savoir que la fille du Rebutu en fut la cause, il n'était pas fâché de voir celui-ci publiquement blâmé, frappé et repoussé par l'Église. Certainement, après cette violente apostrophe de l'abbé Kerbiriou, si son neveu avait conservé quelques souvenirs apitoyés pour celle qu'il avait sauvée, il n'oserait jamais en rien dire et serait défendu de toute tentation de la revoir. Telles étaient les raisons secrètes qui mettaient ce dimanche-là le mareyeur en joie et lui donnaient la mine rayonnante et satisfaite qu'il promenait devant ses compatriotes. Il sentait un tel besoin d'expansion, un tel désir de faire partager à tous ce qu'il éprouvait, qu'il s'en prenait aux uns et aux autres, gouailleurs volontiers, lorsqu'il s'adressait à quelque secret partisan du guérisseur. Ce fut ce dernier sentiment qui le poussa du côté de la servante du curé, cette phrase agressive aux lèvres. « Hein, Manaïque, votre ami le Rebutu, qu'en dites-vous, Aster, que monsieur le recteur lui a dit son fait en pleine chair ?» La vieille eut une moue indécise, expliquant. « C'est toujours des paroles de sagesse qui sortent de la bouche de monsieur le curé, tonton Jean-Marie. Et vous ne me feriez pas dire le contraire pour tout l'or du monde. Mais vous n'avez pas à l'approuver ou à le désapprouver, que je crois. Il a ses raisons, sans doute, des raisons dictées par le Seigneur, dont il est le représentant pour nous. » Il ricana, frottant joyeusement ses mains épaisses. « Au diable ! Il y en a peut-être qui ne disent rien et qui ne sont pas avec lui en ce moment. Ce Nédélec Gualen, vous le défendiez si fort d'habitude. Vous voilà fort embarrassé, que je pense. » « Prendre parti pour lui, c'est péché contre l'Église. Vous avez entendu notre recteur. » Marianne le regarda quelques instants sans répondre. Une étrange lueur tapit dans ses prunelles, mi-disparue sous les plis des paupières. Puis, subitement, l'accent presque menaçant. « Je ne me mêle point de ce qui ne me regarde pas, moi. Si tonton Nédélec croit qu'il a quelque chose à faire, il se défendra bien tout seul, allez. » « Mais vous avez bien tort de parler ainsi à tout instant contre lui, qui ne vous a jamais rien fait. » Et d'une voix plus sourde, lentement. « Ce serait pour vous porter malheur, des fois, que ça n'étonnerait personne. » Il eut un recul, un redressement de ses fortes et lourdes épaules. « Je ne le crains point, ni lui ni personne, quand on a toujours vécu dans le droit chemin, qu'on a constamment fait son devoir d'honnête homme et de bon chrétien. » Qu'on vit dans la crainte de Dieu et de l'Église, c'est pas un méchant Rebutu comme l'homme du cap de la chèvre qui peut vous nuire. Ah, mais non, je le lui défends bien, moi. Son interlocutrice démêla parfaitement l'espèce de crainte superstitieuse qui se dissimulait mal sous cette brusque défense de Balanec, et elle répondit « Il n'est pas homme non plus à vous faire du mal, ni à vous ni à un autre. Il ne sait faire que le bien. » Ces mots rendirent au mareyeur son assurance gouailleuse. Il haussa le dos, bougonnant. « Je ne lui demande ni du bien ni du mal, qu'il reste où il est. C'est une bonne place pour lui, en compagnie de ces mauvaises pierres de malheur. »« Allons, allons, tonton Jean-Marie, ne vous faites donc pas plus méchant que vous n'êtes. Un brave homme comme vous devrait se montrer plus tolérant. » Et reprenant sa moue de mystère, « Sait-on jamais ce qui vous attend en ce monde ?» De nouveau, il l'examinait de côté, ses deux mains profondément enfouies au creux de ses poches, semblant se demander ce qu'elle voulait dire avec ses phrases énigmatiques. Mais renonçant à le deviner, il s'éloigna d'elle et se contenta d'écraser avec colère entre ses dents les mots « Carabassène, va !» Manaïque, cependant, l'examinait, pensive. Son front remué à plusieurs reprises, le volettement de sa coiffe montrait qu'en elle les réflexions continuaient à se poursuivre, comme si elle eût su à quoi s'en tenir sur certaines choses que le mareyeur ignorait et qu'elle avait récemment découvertes ou devinées. Quand elle rentra à la cure, la première personne qu'elle rencontra fut Denis le Marec, qui venait seulement d'apprendre ce qui s'était passé à l'église. Il questionna. « C'est vrai, Manaïque, que mon oncle a miné délègue Gualaine au banc de la paroisse ?» Elle ne put retenir un soupir, les yeux voilés de tristesse. « Monsieur le recteur a ses raisons, et il parle toujours pour le bien de l'église. » Denis assombri murmura à mi-voix. « Pauvre Faïque !» Mais il releva la tête, terminant, les poings serrés en une révolte. « Allons, nous verrons bien. Quand tous seraient contre eux. Moi, je resterai avec elle. » Décidément, il l'aime. Je ne m'étais pas trompée, fit Marianne qui l'avait entendue. Pauvres enfants. Et comme il s'éloignait désespéré, les larmes aux yeux, elle s'ancra dans la résolution de le défendre, de le soutenir, gardant un peu de rancune au mareyeur qui s'était montré si dur. Je les aimerai, moi. Ça apprendra à ce Balanec.